L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Notre invité à suivre, François Verret, artiste en résidence danse, avec qui nous allons évoquer les chantiers 2014-2018, un vaste projet qui se construit en plusieurs étapes. Quel constat pouvez-vous faire suite à ces premières rencontres qui se sont déjà engagées auprès de différentes associations du département dans différents lieux comme des centres sociaux, maisons de retraite je crois, prochainement sur la maison d'arrêt d'Ony et aussi avec le public de l'apostrophe? La sensation c'est que c'est flagrant qu'il y a le pari de l'œuvre d'art qui est toujours très très, je trouve, nécessaire. C'est-à-dire que tout le monde est de tenter que tout le monde ait le plus accès possible à ce qui se joue sur un plateau dans l'art, les arts vivants. Qu'il y ait des médiations artistiques ou pas, je dirais, parce qu'on peut aussi faire le pari de je ne sais rien, je vais voir et si j'ai de l'émotion, voilà, il se passe quelque chose. Mais aussi, on peut faire le pari de faire venir les gens, d'essayer d'éveiller des curiosités, du désir, de donner des clés d'intelligibilité. Donc il y a toujours ce process. Et parallèlement à ce process, il y a des rencontres hors les murs ou dans les murs, mais qui sont ce que j'appelle les actions artistiques. C'est-à-dire qu'en fait, un artiste, une équipe d'artistes, a à cœur de rencontrer toutes les populations possibles, imaginables d'une société civile, donc tous les âges, et de se poser un certain nombre de questions qui sont des questions de vie aujourd'hui, dans le monde tel qu'il va, donc comment on le perçoit ce monde, quels sont nos rêves, nos inquiétudes, est-ce qu'on est encore porteur d'utopie, quel deuil ont fait certaines espérances qu'on a eues autrefois, comment on peut renaître de ces cendres s'il y a eu tragédie ou déception, etc. C'est-à-dire qu'en fait, redonner foi en un mouvement d'imagination et puis un mouvement d'y aller à plusieurs à partir de ce lieu d'être qui est d'être amateur très simplement de la rencontre, amateur de s'écouter, du dialogue, d'inventer. Et les formes d'invention avec les gens qui sont donc dont ça n'est pas le métier, sont multiples. On peut fabriquer des films, on peut fabriquer un petit livre, on peut faire des émissions de radio, on peut faire etc. En fait, il faut que les personnes engagent leur subjectivité. Et c'est le plus beau et gros travail, que c'est d'éveiller ces subjectivités, qu'elles se mettent en jeu, donc qu'il y ait une confiance, qu'il y ait un peu de temps pour que se retrouver, y aller doucement, et puis construire quelque chose ensemble. Alors je parle beaucoup dans ces ateliers de la constitution d'un atlas d'images du XXe siècle, c'est-à-dire parce qu'il me semble que c'est un objet, c'est naïf, un atlas. Un modeste atlas, un atlas du premier jour, un autre atlas au bout de 2 ans, un atlas venant de personnes très très âgées, un atlas venant de jeunes gens de 14 à 18 ans. En fait, qu'il y ait quelque chose, un objet à construire, et que ce soit les images qu'on choisit d'avoir du XXe siècle. Pourquoi ce siècle? Alors il s'arrête peut-être, il faudra aller dire des images qui vont jusqu'à aujourd'hui. L'image jusqu'en 2000, on est encore en 2014. Non, parce que des jeunes gens me disaient, moi, Nelson Mandela, par exemple, ça, c'est vrai, il est en plein 20e siècle, mais il va sur le 21e, là, puis soudain il meurt. Et donc, en fait, quelles sont les figures, quels sont les moments, quelles sont les situations, et pas toujours du côté du sombre ou de la tragédie, beaucoup aussi du côté peut-être de la lumière, et d'où elles émanent, les lumières. Et quelles images on peut avoir plaisir à rappeler qu'elles existent, ou faire signe que nous, c'est celles qui nous marquent, qui nous constituent, dont on a hérité et qu'on aime, entre guillemets, avoir avec soi, pour penser comment vivre et que mettre en jeu et avec qui aujourd'hui. On a bien compris qu'il s'agit d'un projet que vous menez en plusieurs étapes, entre tous ces ateliers très différents les uns des autres, parce que sur des rencontres très différentes également, il y a un vaste thème à partager qui fait le lien, c'est celui de la mémoire et de l'histoire, la teneur des héritages et leur transmission plus jeune. Alors, je serais tenté de vous poser la question suivante, est-ce que vous êtes un artiste, un chercheur, un ethnologue, sociologue? Quel est effectivement l'objectif? Oui, je suis un drôle d'oiseau. C'est-à-dire qu'en fait, je suis rien de tout ça et en fait, je suis autodidacte. C'est-à-dire qu'en fait, je pense comme beaucoup de gens. C'est-à-dire que si on pouvait s'autoriser un peu soi-même, on oserait aller jardiner de temps en temps ou cuisiner ou se mettre à dire une petite vérité qui est la nôtre, hein, la vérité subjective, sur ceci ou sur cela. Après, est-ce que je suis vrai? Acteur, danseur, chercheur, certes, chercheur, inventeur, catalyseur, rassembleur, poète, rien, personne, je ne suis personne, disait Fernand Pessoa. En fait, bon, au-delà de cette très grande difficulté qu'on est nombreux à avoir aujourd'hui de s'identifier, savoir qui on est, on est tant de choses, c'est tellement complexe et on est si peu. Donc à la fois, alors s'il faut des mots, on en trouve quelques-uns, mais ils sont très très très très relatifs. En fait, l'important c'est qu'est-ce qu'on construit ensemble, qu'est-ce qu'on prend le temps de partager ensemble. Et si c'est une question, ça peut être très très noble, la question de savoir qu'est-ce qui reste de tout ce passé, alors que l'époque accélère, nous contraint nous-mêmes, nous contraignons à accélérer, ça va trop vite, on l'entend partout, pas le temps de s'arrêter, pas le temps de penser, pas le temps de regarder sur le passé. Alors quand vous poser la question des héritages, des mémoires, de l'histoire, oui, elle surgit cette question, c'est-à-dire, c'est une question, c'est qu'est-ce que j'en fais de ce dont j'hérite, s'il y a héritage, est-ce que je peux éviter de maltraiter ça, de les nier, de les simplifier de manière outrancière, de ne pas en tenir compte, est-ce que je peux éviter toutes ces attitudes que l'accélération terrifiante, un peu terrifiante, il faut le dire, de l'époque, induit chez beaucoup de gens. Beaucoup de gens disent pas le temps. Okay. Pas le temps, on n'a pas le temps. Tout ça, c'est du passé, ça ne nous intéresse pas. C'est pas le problème. Là. Il faut juste trouver par où passer aujourd'hui. Mm. Donc en fait, le travail chantier, c'est de dire, non, attendons, on peut prendre le temps. Un lieu des arts et de la culture, l'apostrophe, une équipe, une maison, ce qu'on appelle une maison, c'est-à-dire avec des dimensions d'hospitalité, d'accueil sensible, peut redonner temps, espace-temps, durée, d'appréhender ces questions qui, a priori, servent rien, entre guillemets, dans la logique utilitaire et instrumentale d'intérêt immédiat qui est mise en jeu très souvent dans notre monde, mais sert en fait à retrouver confiance ou à retrouver du sens. Mmh. Ou à reprendre appui en disant je suis en fait un peu à la manière d'un autre avant, où je suis dans la trace. Voilà, en fait, de redonner que le passé, faut quand même garder un petit peu de temps à s'interroger ce qu'on en prélève, ce qu'on en dégage, ce qu'on emmène avec soi. Et je finis juste là-dessus. Et si ce sont des gens qui ont disparu souvent, peut-être qu'ils arrivent à des questions intérieures un peu graves de qu'est-ce qu'on doit. Qu'est-ce que les vivants doivent aux morts? Qu'est-ce qu'il s'agit de pas oublier, d'avoir un peu d'honneur, de croire encore en des batailles, ou en des résistances, ou en des valeurs, etc. Moi, je crois beaucoup à ça. Mmh. Ce qui est quand même assez paradoxal, c'est qu'on est dans une société où on n'a jamais autant commémoré des événements de notre histoire lointaine et contemporaine, et on parle sans cesse de devoir de mémoire, et vous faites comme constat que vous avez le sentiment que notre époque fabrique de l'oubli, d'où ce travail effectivement de chantier que vous avez engagé. Oui, et avec une nuance critique toujours et très très modeste, mais qui consiste à dire que devoir, non, s'il n'y a pas désir là, et que c'est par obligation qu'on va faire ce qu'on appelle ce travail de mémoire, non, ça ne servira pas à grand chose. Hein. Il faut éveiller le désir de faire ce travail de mémoire. Et pour éveiller ce désir, il faut un petit peu étayer que ça permet d'être plus intérieurement, plus ancré, avoir plus d'appui, plus de capacité d'inventer, etc., etc. Et que vous parlez des commémorations, en fait, il faudrait distinguer les vraies des fausses, ou il faudrait se demander à quoi servent un certain nombre de commémorations qui s'appellent commémorations, mais une fois qu'elles ont dit ça, elles disent plus grand-chose. Parce qu'en fait, quand je dis qu'est-ce qu'elles soulèvent comme question, en fait, il y en a une qui est un peu terrifiante, je vais vous dire, qu'on pose trop rarement dans ces soi-disant commémorations, c'est quelles analogies il y aurait en certains de nos comportements contemporains avec des comportements qui, dans les temps passés, se sont avérés très destructeurs. Mmh. Là, ce serait intéressant de se rappeler comment, effectivement, des tragédies inouïes qui sont les systèmes totalitaires du XXe siècle, ou le nazisme, ou le fascisme, ou etc., etc., le fasciste en soi, Et je parle de moi, là. Je parle de comment avoir l'humilité de reconnaître qu'en soi, on est toujours à la merci, entre guillemets, à la merci, hein, attention, d'une bête, qu'il faut toujours réapprendre à ce qu'elle ne prenne pas le dessus, etc., etc. Oui, alors on peut commémorer certains points aveugles des siècles passés en se disant comment on peut apprendre à ne plus répéter ça, à notre propre échelle, aussi bien à l'échelle de l'intime qu'à l'échelle du politique. Ça, c'est un formidable chantier. Ça donne des énergies créatrices à beaucoup de gens. Donc en fait, c'est à ce titre que je suis tenté de faire ce travail de mémoire, pour dire, en fait, ça nous bâtit, ça nous construit, et ça réinvente un art de vivre ensemble qui est plus susceptible d'éviter les erreurs tragiques. Alors, on se dit, après avoir suspendu le temps comme vous le faites, justement pour prendre le temps de l'échange, des rencontres au travers de ces différents ateliers, il y en a d'autres qui vont être engagés, on se dit, mais ce matériau que vous recueillez, il va servir à quoi? Et vous avez déjà fait un élément de réponse, ces ateliers ne constituent pas le matériau de l'écriture, c'est une fin en soi, j'ai toujours foi dans le principe de gratuité, un sujet sur lequel vous revenez, comme tout à l'heure de l'hospitalité. Également. Oui, ça, vous avez tout à fait raison de rappeler ça, c'est essentiel et c'est ce qui se perd le plus par les temps qui courent, qui est pour rien, pour le plaisir, parce que la vie est pas éternelle et que, voilà, alors c'est inoubliable. Vivons des moments où on est au plus près de nous-mêmes, de nos contradictions, et en soi, ça aide à vivre, de pouvoir s'autoriser de les traverser, c'est-à-dire, au lieu de s'isoler, au lieu de se protéger, au lieu de se mettre toujours dans les rails qui sont ceux qui se construisent malgré nous dans nos propres vies. Donc en fait, effectivement, il y a une grâce de l'instant qui est tout à fait liée à un principe d'hospitalité sensible. C'est pour ça que je parlais de l'équipe. L'équipe, une maison qui accueille et des êtres humains en chair en os, des sourires, des regards, des attentions, indicibles. L'indicible de ça, ça joue beaucoup pour que des gens aient le désir de exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qui les trouble, etc. Et principe de gratuité, à jamais. Ceci étant, il y a une grande responsabilité, conjointement à construire et à fabriquer, je ne sais pas si c'est des traces, mais quand je dis un objet qui serait un atlas de 1000 images sur matière, fabriquer quelque chose, que ce soit un film, que ce soit un objet livre, qu'on puisse y revenir, au-delà de l'avoir vécu, et que ça puisse se transmettre à autrui, pour faire signe. Ça, c'est un peu l'enjeu de notre métier d'artiste, et finalement, un plateau, une écriture scénique, fait signe. Elle trouble, elle émeut, elle remue, elle perturbe, elle interroge, elle dérange, etc. Elle permet de se remettre un peu en question, en mouvement. Et donc, aussi bien ne vivent les choses que ceux qui les vivent, mais ceux qui ne les ont pas vécues, quelque chose peut en témoigner. Un film, on peut transmettre l'histoire, le récit de ce qui s'est passé, par exemple. Ou bien, on peut donner ça à dire et se prêter à l'échange après coup. Pourquoi vous avez fabriqué ça? Comment est-ce que vous aimeriez fabriquer autre chose? Et pourquoi pas vous? Et ça soulève, bon, etc. Donc, en fait, c'est un double mouvement. À la fois de l'instant, de la gratuité, et à la fois du fabriquer des choses dont on est co-auteur et fabriquer ensemble pour d'autres. Dans les prochaines étapes à venir, la prochaine c'est le samedi 18 octobre, 14-17h au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Vous allez animer donc un premier atelier d'une série de trois, puisque le suivant c'est en février et en mars prochain pour les suivants, sur la thématique « Quels héritages et quelles transmissions ?» Qui va être concerné par ces ateliers ? Toute personne qui souhaite briser la glace, ça veut dire une première rencontre, c'est juste appréhender une question ensemble, essayer de se connaître un peu à travers la question qui est quels héritages, quelles transmissions pour vous, pour moi, qu'est-ce qu'on en fait, quels sont-ils d'abord, peut-être très simplement, avoir l'humilité de se dire il y en a peut-être quelques-uns plutôt qu'aucun. Et qu'ensuite, encore une fois, peut-être on n'évite pas le fait que certains soient très très lumineux et d'autres très très tragiques, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait, entre guillemets, de tout ça, qui nous hante plus ou moins, qui est là dans l'ombre, et on est redevable de quelque chose ou pas à ça, c'est-à-dire on doit le prendre avec soi pour inventer. Comment traverser les temps présents? Oui, je crois qu'il faut ne pas oublier le « il faut », j'y reviens, au devoir. Bon, ça n'engage que moi. Mais je pense, oui, qu'il faut quand même de temps en temps ne pas oublier, pas tout oublier, quoi, ouais. Donc ouais, ces ateliers seront ouverts à tous, comme vous l'indiquez, et en entrée libre pour ceux qui nous écoutent. Dernier mot, chez François Verrès, on aura l'occasion de vous réentendre sur cette antenne de RGB, parce que votre travail nous intéresse tout particulièrement, et le fait d'être partenaire de l'apostrophe, ça justifie effectivement ce compagnonnage. Juste d'un dernier mot, Rhapsodie démente, c'est un temps fort qui va intervenir au cours de la saison, en mars prochain. Est-ce que cette création, Rhapsodie démente, va être en résonance malgré tout avec tout ce travail de recherche, d'atelier, de rencontre ? En résonance, c'est peut-être le mot juste, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a un écho, parce qu'en fait, tous ces ateliers, effectivement, m'aident à penser, à réfléchir, à appréhender le plateau. C'est certainement, oui. Donc il y a un écho au plateau de certaines de ces rencontres, de ces échanges, mais en même temps, la dynamique d'écriture au plateau précédait le démarrage des ateliers, et comment vous dire, ça vient aussi des rencontres entre les artistes qui se connaissent, là que j'ai rassemblé autour de ce projet, et du coup, peut-être que c'est plutôt les écritures scéniques suivantes qui seront vraiment beaucoup plus directement liées à tout ce que j'apprends à travers les ateliers qu'on mène à Cergy. Rhapsodie démente, oui, je pense qu'il y aura un lien sensible, c'est sûr, mais c'est comme une sorte d'écriture poétique assez libre, je sais pas, ceux qui participent se diront, ah bah oui, on le retrouve bien là, on les retrouve, ah bah je comprends, oui, ah bah du coup, peut-être que ce qui soulève comme question dans les ateliers, je comprends mieux, à la limite, en voyant spectacle, etc., où je comprends les liens, mais pour les gens qui ne connaissent pas, je pense qu'il faudra qu'on essaye d'éclairer quel est l'enjeu de Rhapsodie démente dans une prochaine rendez-vous, si vous en êtes d'accord. Nous sommes d'accord, évidemment. D'un tout dernier mot, au regard de tout ce qui a été dit, quand on parle des souvenirs, de la mémoire de chacun, ça participe à enrichir une mémoire collective et à donner un peu plus d'humanité à notre société. Bah oui, c'est vrai que c'est le propre de l'humain, cette question, comment dire, on va pas régler la question d'une immortalité en se disant qu'on va mettre quelqu'un dans la glace en mettant sa mémoire sur un disque dur et puis que quand les machines seront prêtes à réanimer tout ça, on le remettra en mouvement. Je crois que la mémoire, c'est quelque chose qui, malgré ce qu'on croit, certaines personnes croient, reste insaisissable. Et très mystérieux, et très secret, et très intime, et très complexe, et que c'est une grâce de pouvoir la remettre en jeu dans les temps qu'on vit. Voilà, pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, qui est ça, qui est remettre en mouvement sa mémoire. C'est pas rien, quoi. Ouais, c'est de l'humain, c'est l'humain, c'est l'essence de l'humain. Merci François Verrès. Prochain chantier ouvert au public, le samedi 18 octobre, de 14h à 17h, à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise, et pour mémoire, Rhapsodie démente, ce dont on vous a parlé au cours de cette interview, danse donc pour le mardi 17 mars à 20h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Tout cela à l'invitation de l'apostrophe.